Salut à tous, bienvenue sur Podcast Science, le balado qui fait aimer la science. Aujourd'hui, épisode numéro 47, en présence du professeur Fon. Salut professeur Fon. Salut Mathieu, salut tout le monde. Et on a une invitée spéciale cette semaine, c'est Lia. Salut Lia. Salut. Alors, tu nous as préparé un petit dossier, je crois, Lia, aujourd'hui. Oui, c'est tout ça à fait, oui. Sur quel sujet ? Alors, c'est sur la musique, et puis avec un lien un peu plus détaillé sur la musique et les émotions. D'accord. Oui. Alors, je crois qu'on va tout de suite commencer avec mon dossier, parce que bon, on a comme toujours deux, trois petites choses à dire, mais on va les dire à la fin de l'émission. Professeur Fon, tu voulais, avant qu'on commence le dossier, dire quelque chose, ou bien ? Juste dire que je me réjouis beaucoup, moi c'est un sujet qui me passionne, et puis on parle souvent des mathématiques dans la musique, ça aurait pu être un angle pour un podcast scientifique, là si tu nous parles des émotions dans la musique, ça me plaît encore plus Lia, je me réjouis d'écouter ce que tu as à nous dire. Merci. Donc j'y vais ? Oui, on t'écoute. On est tout ouïe. D'accord. Alors, juste pour la petite histoire, donc, on était devant les locaux du CERN, lors de la visite du CERN, quand on a eu cette idée en discutant avec le professeur Fon. Et c'est là qu'en discutant un peu de là où j'en étais dans ma vie et de la science et de différentes choses, l'idée nous est venue de faire un podcast où le thème principal serait la musique. Et puis, j'ai décidé de l'orienter un peu plus sur les émotions, même si je me suis rendu compte pendant que je le faisais que justement, il y a énormément de choses qui peuvent être liées à la musique. Et ça peut vraiment toucher différents types de sciences, comme la physique, les mathématiques ou les neurosciences, que c'est un peu ce que je vais effleurer ce soir, parce que les données sont nombreuses et puis le sujet est très vaste. J'ai décidé de le commencer peut-être d'une façon un peu différente des autres podcasts, dans le sens que je vais le faire... je vais me présenter un tout petit peu parce que avec cette présentation, vous allez peut-être comprendre aussi pourquoi le choix de ce podcast ce soir. Donc pour cela, je vais vous parler un tout petit peu de moi et de mon parcours. On est donc tout voilà. Donc en fait, je suis scientifique de formation et puis j'ai fait un PhD en neurosciences. J'ai travaillé à l'université de Nice, j'ai travaillé à l'université de Lausanne. J'ai travaillé donc plusieurs années dans ce monde où la science étudie des choses assez mystérieuses qui sont les neurones, les cellules gliales et le fonctionnement du cerveau. Et puis l'année dernière, j'ai décidé d'arrêter un peu, de faire un break avec la science et de prendre une sorte d'année sabbatique. Ceci parce que je sentais que j'avais besoin d'exprimer des choses que j'arrivais pas à dire en faisant que de la science. Donc, disons qu'il y a à peu près 3 ans, j'ai commencé à découvrir la musique et j'avoue que ça a été une sorte de révélation plutôt tardive, parce que voilà, je suis plus toute jeune, mais c'était quand même une révélation et qui était vraiment fondamentale dans ma vie. Disons que pendant longtemps, enfin jusqu'en 2008, j'écoutais la musique régulièrement. Et puis, comme peut-être beaucoup de gens, certaines musiques me plaisaient plus que d'autres parce qu'ils me donnaient des émotions particulières. Il y avait des chansons parfois ou juste des morceaux de musique qui m'aidaient à surmonter des moments un peu difficiles ou alors qui me donnaient la pêche. Bref, c'était déjà quelque chose d'intégré dans ma vie. Mais disons que depuis 2008, j'ai vraiment l'impression d'être rentrée dans le monde de la musique parce que j'ai eu envie aussi d'en faire et pas seulement de l'écouter. Et puis c'est comme ça qu'en 2009, je me suis acheté une guitare et puis j'ai commencé à prendre des cours de guitare et puis j'ai commencé à composer mes chansons. Et ce que je te disais tout à l'heure, professeur Fon, c'est les chansons que je fais, c'est des chansons à texte et mélodie parce que j'ai trouvé dans la chanson la façon d'exprimer un peu le côté poétique qui était resté jusque-là dans un tiroir ou dans un ordinateur. Dans le sous-sol d'un laboratoire. Voilà. Donc là, je suis en train de vivre cette année sabbatique où, en vivant un peu plus le côté artistique, je regarde aussi la science autrement. C'est-à-dire que je la vis plus de l'intérieur, mais je regarde quand même ce qui se passe parce que je trouve que c'est un monde magnifique et que c'est essentiel de savoir un peu ce qui se passe pour pouvoir discuter tout simplement de la vie. Tu prêches des Ou convaincus. oui, ça je m'en doute pas. Donc disons que cette année je me consacre un peu plus à l'écriture scientifique et comme j'ai dit aussi à la composition de chansons que je joue avec un ami pianiste. Ce que je veux dire par là, c'est que la façon dont je fais la musique maintenant, c'est totalement différente de la façon dont j'ai fait la science. Vous me direz, c'est normal, musique et science, c'est deux choses différentes. Pas tant que ça, en fait, dans le sens que j'ai découvert, et je vous le répéterai tout à l'heure, que la musique, quand même, allume toutes les zones du cerveau. Donc, il n'y a pas vraiment une partie cerveau-musique et une partie science. Mais disons que la musique, je la fais beaucoup plus avec le cœur. Donc là, j'ai envie d'ouvrir une petite parenthèse sur la science et sur l'art, parce que je me retrouve un peu là-dedans. Disons que jusqu'à il y a quelques mois, tant que je portais la casquette de scientifique, vraiment, j'aimais dire que je ne vois pas d'incompatibilité entre l'art et la science, car je me disais qu'elles proviennent d'une même source, c'est-à-dire ce besoin profond d'explorer la vie et de comprendre ce que nous sommes, au fond. Là, maintenant, aujourd'hui, j'ai un peu laissé de côté la casquette de scientifique pour prendre celle d'artiste en herbe, parce que voilà, c'est encore tout frais. Et j'avoue que parfois j'ai un peu du mal à vivre cette compatibilité entre art et science. C'est-à-dire que je m'en suis rendu compte que pour faire de l'art, pour faire de la musique, il faut une participation totale. Quand on chante, on utilise nos propres cordes vocales qui vont vibrer et qui vont émettre des sons. Et quand on joue un instrument de musique, c'est notre corps qui, carrément, pour faire vibrer un instrument, on doit bouger. Donc, quand on fait de la musique, à mon avis, on doit devenir musique avec tout ce qu'on est. Et puis, on met dans la musique, ou dans l'art, je dirais peut-être un peu plus en général, vraiment notre corps, mais aussi on amène avec nous nos pensées, nos émotions, nos sensations. Et ça, c'est quelque chose qui nous enrichit aussi. Par contre, quand on fait des expériences scientifiques, on doit rester au moins partiellement détaché de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on doit travailler, s'investir beaucoup, mais qu'avec certaines parties de nous-mêmes. Les émotions, les pensées de la vie, les réflexions, les réflexions personnelles, j'entends, doivent rester un peu écartées. Et pour ce qui concerne le corps, en tout cas, en tant que chercheuse en biologie, dans un laboratoire en neurobiologie, j'ai utilisé pratiquement que les yeux et les mains. Et le reste du corps était, voilà, ça m'aidait à balader mon cerveau, mais pas plus que ça. Donc, il y a cette idée dans la science de reproductibilité d'une expérience qui fait que tout ce qui peut perturber l'expérimentateur doit rester un peu loin. Et là, je vous dis, c'est un peu une réflexion personnelle, mais j'en profite de ce moment pour le faire. Je pense que la science a besoin de cette objectivité, car elle recherche une compréhension de choses qui soit reproductible et indépendante de l'expérimentateur. Mais en même temps, d'un point de vue personnel, même si je crois que c'est utile d'avoir ces connaissances objectives, là, je traverse une phase où je crois que comprendre la vie d'une façon que détachée, comme ça peut être la façon scientifique, est un peu une limitation. Et j'ai l'impression que comprendre la vie, pour la comprendre vraiment, il faut la vivre. Donc je dirais que la vie doit être comprise en la vivant et avant tout en ayant cette sensation de communication avec elle. C'est un peu pour cette raison que j'ai décidé ce soir de faire ce podcast parce que j'aime la musique et j'aime communiquer. J'ai envie de faire cette chose que je faisais pas forcément quand j'étais dans un laboratoire parce que le temps était limité, qui était le partage des connaissances scientifiques. Vous m'entendez Oui, là? on Oui, t'entend, oui, oui. on te Voilà, suit, d'accord. on te suit avec beaucoup d'attention. Donc voilà pourquoi ce soir j'ai décidé de faire ce podcast et voilà un peu là où j'en suis dans cette réflexion sur la science actuellement. Donc D'accord. maintenant, pour venir sur la question du podcast, donc je voulais juste encore dire que ça c'est une sensation personnelle, une émotion personnelle. Donc bien avant de me pencher sur la question de la musique d'un point de vue scientifique, j'ai senti que faire la musique et écrire des chansons était une façon très rapide et directe pour atteindre le cœur des gens et donc de communiquer. Donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Pendant longtemps, j'ai gardé des poèmes enfermés dans des ordinateurs ou dans des tiroirs. Et puis là, avec la musique, j'ai l'impression que c'est possible de communiquer. Et je me suis rendu compte, un peu en préparant ce podcast, que je suis loin d'être un cas isolé. Là, j'ai lu, je dirais, j'ai feuilleté en profondeur, plus que lire, le bouquin que tu m'as prêté, Professeur Faune. Donc, j'en parlerai quelques fois lors de ce podcast. C'est le livre de Daniel Lévitin, je ne sais pas comment on le Lévitine, je crois, prononce, il est Lévitin. anglophone, même s'il vit à Montréal. Oui, voilà. Et puis c'est This is your brain on music. Et puis c'est un bouquin qui a l'air vraiment intéressant. Je crois que je vais l'approfondir. Je vais approfondir sa lecture encore quelque temps. Il est un peu sophistiqué au début, je trouve, mais après ça, il y a des parties qui sont vraiment prenantes. Et puis grâce à ce bouquin, j'ai un peu découvert qu'il y a toute une branche de chercheurs et de neuroscientifiques qui se sont penchés sur la question de la musique, parce que la musique, c'est quelque chose d'important dans la vie, pas seulement dans ma vie, mais dans la vie de beaucoup de personnes, et pas seulement des musiciens. Parce qu'on est tous en contact avec la musique, qu'on en fasse ou qu'on n'en fasse pas, et cette musique, elle joue un rôle ou plusieurs rôles vraiment importants dans notre vie. Et puis justement dans son livre, Daniel Lévitin, donc qui est professeur à l'université de McGill au Canada, il est aussi un musicien. Il explique que l'industrie de la musique est une des plus grandes aux États-Unis. J'étais quand même un peu surprise parce que quelque part c'est des choses qu'on sait instinctivement ou intuitivement, mais de penser que c'est carrément une industrie, qu'il y a une industrie derrière, ça change un peu la façon de voir la musique aussi. Et puis, d'après ce qu'il dit, les Américains dépensent plus d'argent pour la musique que pour s'acheter des médicaments. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui m'a étonnée. Et lui, comme d'autres scientifiques, se sont posé la question de savoir pourquoi la musique est si importante. Pourquoi dépensons-nous finalement autant d'argent pour s'acheter des CD ou aller à des concerts alors que peut-être on doit se limiter dans d'autres dépenses, mais on ne se limite pas forcément dans la musique. Et ce que je trouve qui est très beau dans l'approche de cet auteur, c'est que lui, il croit vivement que en comprenant pourquoi l'être humain aime la musique, en fait, on peut arriver carrément à dévoiler une partie de l'essence de la nature humaine. Parce que pour lui, et ce n'est pas le seul, beaucoup de neurobiologistes le pensent, et aussi d'archéologues ou d'autres scientifiques, ils pensent que la musique est quelque chose d'essentiel dans la nature humaine. Donc, en comprenant pourquoi on aime la musique, on peut comprendre un peu plus de comment on est fait et de qu'est-ce qu'on est au fond. Donc, Disons que une autre chose qui m'a comme ça, d'un point de vue un peu plus neurobiologique, je crois que c'est très intéressant de remarquer que d'après toutes les études de cet auteur ainsi que d'autres scientifiques, beaucoup sont au Canada d'ailleurs, qui se sont intéressés à la musique et au cerveau. Et la musique semble être, comme je vous disais tout à l'heure, une affaire qui touche tout le cerveau et tous les neurones. C'est-à-dire que communément, enfin, contrairement à la notion commune et un peu simpliste, que l'art et la musique sont traités par l'hémisphère droit, alors que le langage et les mathématiques sont traités par l'hémisphère gauche, selon cet auteur, d'après les données qu'il a, le fait d'écouter la musique, de la composer ou de la jouer, implique pratiquement toutes les aires du cerveau qui ont été découvertes et identifiées jusqu'à présent. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'assez surprenant parce que c'est comme si notre cerveau tout entier participait à l'écoute ou à la composition de la musique. Ouais, Donc, ça reflète un peu ce que tu disais tout à l'heure, mais voilà, en tant que voilà, musicienne, c'est quelque chose que voilà. tu fais avec tout ton corps, c'est une expérience que tu vis avec tout ton être. Ouais. Finalement, les neurosciences montrent que c'est bel et bien le cas. Voilà, ça aussi, j'étais un peu surprise parce que quelque part, moi, je suis partie d'une expérience personnelle qui est d'ailleurs assez nouvelle et donc encore limitée. Et puis, je me rends compte que finalement, de l'autre côté, la science a fait un parcours où elle découvre des choses qui vont avec ce que je ressens. Donc, tu as tout à fait raison. Ouais, ça va dans ce sens-là. Il y a une chose que j'ai trouvée intéressante et puis que j'aimerais partager, c'est que quand j'ai commencé à écrire ce podcast, je lisais partout que la musique est un langage universel et puis je voulais justement parler de ça et commencer aussi en disant ça, en disant que c'est un langage universel, que tout le monde la comprend et que ça peut être utilisé comme langage commun entre tous les êtres humains. Ouais, si j'ai bonne mémoire, c'est justement pas tellement ce que dit Lévitine. Oui, d'un côté, c'est... bon, ça, j'ai... Pourquoi tu dis ça? Il pensait au jazz notamment, Ah, d'accord, en oui. indiquant que c'est quand même, si c'est un langage, alors c'est un langage vachement sophistiqué, Oui, avec des oui. constructions très particulières et qui est pas accessible comme ça à toutes les cultures. Oui, ça c'est vrai. Non, moi je pensais plus à vraiment la musique en général, donc même des musiques, des rythmes simples ou D'accord. des. Et je pensais que ça c'était quelque chose d'universel, vraiment que tous les êtres humains, peu importe la culture, l'éducation, la culture musicale aussi, pouvaient comprendre. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui sont atteintes d'amusie. La musique, c'est un déficit de perception de la musique qui fait que ces personnes sont incapables d'écouter la musique dans le sens que pour elles, même un rythme, c'est une suite de sons qui n'a pas de sens. Donc, ils sont capables ou de l'apprécier ou aussi de la reproduire. Et ça, c'est indépendant du fait que leurs oreilles ou leurs fonctions langagières soient touchées. C'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir. Et puis, c'est un trouble qui est assez méconnu, mais qui affecte quand même, selon les rares données qu'il y a sur la question, une partie qui n'est pas négligeable du tout de la population, c'est-à-dire entre 5 à 15% des personnes. Ah ouais, autant que Donc, ça. ouais, alors ça, c'est des données de Marie-André Lebrun. Je vous donnerai en tout cas tous les liens que j'ai trouvés pour ça. Et puis, voilà, d'après elle, ça pourrait même être plus. Mais Après ça, d'après ce que j'ai compris, cette amusie peut être à différents degrés. C'est-à-dire qu'il y a des gens que vraiment, lorsqu'ils écoutent une musique, ça leur dit rien du tout, comme si on écoutait une langue étrangère. Et puis, il y en a d'autres qui arrivent à entendre, enfin, qui arrivent à ressentir des choses, mais qui arrivent simplement pas à reproduire une chanson, par exemple, ou voilà. Donc, il y a différents degrés. Mais en tout cas, c'est pas si universel que je le pensais, enfin, que... C'est surprenant parce que tu as dit avant quand même que la musique faisait participer autant l'hémisphère gauche que l'hémisphère droite du cerveau, enfin tout le cerveau, et que finalement, quand on connaît la plasticité du cerveau, on peut penser que s'il y a une région qui fonctionne pas très bien à l'écoute de la musique, donc dans le cas de ces personnes qui sont, comment tu les appelles, à musiciennes, À musique, en à fait, musique. c'est le nom, c'est la musique et puis c'est des à musique. On pourrait penser que, vu la plasticité du cerveau et que tout le cerveau est impliqué, qu'il pourrait d'une manière un peu se réorganiser pour les aider à quand même Ouais, apprécier la musique. je pense que là, il y a peut-être un domaine de recherche qui est intéressant de comprendre justement pourquoi ces personnes n'arrivent pas à reproduire la musique ou à la déchiffrer. Pour l'instant, il n'y a pas, enfin, d'après ce que moi j'ai vu, il n'y a pas beaucoup de données. J'ai trouvé quelque chose d'assez, enfin, que je trouvais intéressant. C'est que, bon, parfois ça peut être lié à un accident, mais parfois la personne est en musique dès sa naissance. Et c'était par exemple le cas, il paraît, de Che Guevara. Par exemple, on raconte qu'il était conscient de son infirmité, et puis donc lorsqu'il était à des soirées avec la musique, il demandait souvent un aide aux gens qui étaient à côté de lui. Et puis on raconte qu'une fois, lors d'un bal, il a demandé de lui donner un coup de coude pour le prévenir lorsque les musiciens joueraient. Pour pouvoir inviter une infirmière qu'il trouvait assez à son goût et pour pouvoir donc l'inviter à danser. D'accord. Mais Voilà, ça veut dire donc. quoi? Qu'il se rend, une personne qui a la pathologie du Che Guevara ne se rend pas compte quand un morceau de musique commence, quand un groupe se met à jouer ou... Non, non, ça non, ça ils entendent, mais disons qu'ils ne savaient pas, enfin d'après ce que j'ai compris de l'anecdote, c'est qu'il ne comprend pas forcément un rythme. C'est comme si on entend un son et qu'on ne sait pas quels sont, Ouais. enfin si on entend une langue étrangère, on ne sait pas de quoi cette langue elle parle. Donc si on entend un tango ou je sais pas, un autre rythme, on ne sait pas forcément la différence entre les Ça deux. nous évoque rien du Une tout. samba, Non. voilà, ça nous évoque rien. Voilà. C'est comme si les musiciens étaient en train d'accorder leurs instruments, finalement. Pour lui, c'est la même chose. Voilà, Ouais. voilà. Voilà. Ouais. D'accord. Ouais. Bon, et donc, il s'est planté pour la danse, elle a refusé ses avances et on connaît la suite. Non, ben Il s'est apparemment, énervé, après, puis... le compagnon lui a donné un coup trop fort et puis il a basculé carrément sur l'infirmière. Mais je ne sais pas, après, c'est juste des anecdotes, donc je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment. D'accord. En tout cas, Voilà. Fidel Castro est toujours au pouvoir. Comme quoi, la musique peut avoir des conséquences. Sinon, pour revenir... aux 75 ou voire 95% de personnes pour lesquelles la musique communique quelque chose, ben ça, c'est quelque chose qui est apparemment très très ancien dans l'histoire de l'humanité. Bon, personnellement, là, j'ai pas approfondi la question parce que ça aussi, ça serait un autre domaine, mais je pense que la musique, selon, enfin, ce qu'on entend par musique, mais la nature, elle en fait aussi pas mal. Je veux dire, le chant des oiseaux, c'est maintenant on sait que c'est tout un langage et c'est quelque chose qui est très musical. Donc voilà. Mais ça, c'est juste une considération personnelle. Et je répète, j'ai pas approfondi la question parce que là, c'était rentré encore dans quelque chose d'autre. Mais d'après ce que j'ai vu des recherches archéologiques, que ce soit donc des archéologues ou des historiens ou des neurologues, vraiment on pense que il n'y a pas de culture ou de société humaine, que ce soit moderne ou ancienne, dans laquelle la musique n'a pas un rôle et qui ne sont pas sensibles à la musique en fait. Et donc j'ai vu, il y a apparemment le plus ancien instrument musical qui a été trouvé, c'est C'est Tinaïg Claudoré Tissot qui en parle. Il a écrit des bouquins sur ça. Et puis, apparemment, c'est une flûte qui a été faite avec un os de vautour qui a été retrouvé en septembre 2008 en Allemagne. Et puis, ça, elle a été retrouvée. Enfin, cette flûte, elle date de 35 000 ans, donc à l'époque où Néandertal. Et probablement aussi Cro-Magnon vivait, enfin, partageait la terre. Donc, ça, vraiment, au-delà, donc, je dirais, de ces personnes qui perçoivent la musique comme un langage étranger, je dirais quand même, d'après les données, la musique est vraiment un langage commun pour la plupart des personnes et surtout. Et quelque chose dont la société humaine ne s'est jamais passée. Donc, c'est là que je me suis posé la question de moi aussi, pourquoi? Et puis aussi, Daniel Lévitin se l'est posé. Et puis, une des réponses, c'est que la musique, en fait, elle a un pouvoir énorme à susciter des émotions. Et ce pouvoir, bien avant d'être compris, a d'ailleurs bien été exploité. Bon, dans nos sociétés modernes, c'est assez clair, il suffit d'allumer la télévision pour se rendre compte où. C'est exploité dans les publicités, dans les films, mais c'est exploité aussi depuis très longtemps, justement dans ces sociétés aussi plus anciennes. Il y a des sociétés dans lesquelles la musique, le chant, ça a un pouvoir pour soigner ou pour apaiser. Ou encore, tout simplement, il y a un exemple qu'on a probablement tous vécu, c'est lorsque nos mamans nous berçaient et qui nous chantait des mélodies douces et qui nous calmait, qui nous apaisait. Donc, je dirais que l'être humain, et nos mamans compris, ont découvert d'instinct les pouvoirs physiologiques de la musique. Au niveau scientifique, j'ai vu la question est encore ouverte, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir des preuves, mais voilà, c'est un début. Donc, je dirais que enfin, d'après ce que j'ai vu, c'est des études qui sont assez récentes pour vraiment déterminer si la musique suscite et module réellement des émotions ou si le fait, enfin, ce que nous ressentons de la musique vient plutôt d'une capacité à reconnaître. Une émotion qui est associée à une musique, mais sans forcément la ressentir. C'est un peu comme si on regarde une photo de quelqu'un qui sourit, on reconnaît que c'est un sourire, mais on ressent pas forcément ce sourire en nous. C'est quelque chose qu'on apprend à reconnaître comme sourire. Voilà. Alors, d'après ce que j'ai vu, les études quand même de ces dernières années semblent pencher vraiment sur un effet direct que la musique a sur nos émotions. Il est clair que l'éducation et la culture qu'on reçoit, la société dans laquelle on vit, influencent aussi nos perceptions et nos choix musicaux. Donc, je dirais la façon dont une musique nous produit une émotion ou pas. Ça, c'est aussi influencé par l'environnement dans lequel on vit et par les musiques qu'on a aussi appris à écouter. Mais la science, là, elle donne des preuves comme quoi la musique a vraiment un effet physiologique, je dirais, sur le corps et donc un lien direct avec nos émotions. Et puis, j'ai pris à titre d'exemple une recherche que j'ai trouvée sur Internet. C'est une étude de chercheurs canadiens qui Encore ont eux? mis oui, mais vraiment le Canada semble être à la pointe sur la recherche musique et émotion. Ils veulent comprendre le phénomène Céline Dion, je les comprends, j'aurais lâché Oui, quelques ah ben scientifiques sur oui, la question aussi. ça doit être pour ça, oui. Et puis, eux, en fait, pour montrer un lien direct entre la musique et les émotions, ils ont étudié un réflexe émotionnel qui est le clignotement des yeux. Alors là, donc il y aura le link pour aller directement sur leur site. Donc là, je vous cite enfin une partie de leur recherche. Le sursaut, pardon, est un mécanisme de défense inconscient et l'une de ses composantes est le clignotement des yeux. Il est bien établi que le clignement des yeux est un indicateur du degré d'anxiété de l'individu et du degré d'activité de ce mécanisme. Ah bon? Ouais. Vas-y, ok. Alors, si différentes musiques peuvent provoquer du stress ou de la joie, cela devrait donc pouvoir s'observer sur le clignement des yeux. Et alors là, les chercheurs ont soumis une quinzaine de sujets à différentes musiques, les unes reconnues pour être agréables, les autres désagréables. Et l'audition était entrecoupée de bruits blancs de 100 décibels qui étaient destinés à provoquer un sursaut et le clignement des yeux. Alors, selon l'hypothèse de chercheurs, le clignement allait être plus intense avec la musique désagréable, alors que la musique agréable devait inhiber le réflexe. D'accord. Et en fait, c'est ce qu'ils ont trouvé. Je leur cite, avec la musique désagréable, les clignements sont plus intenses, plus rapides et plus fréquents qu'avec la musique agréable. Donc, le clignement étant révélateur d'un état de stress, ces données montrent que les sujets ressentaient bel et bien ce stress et que la musique désagréable en était la cause. Le réflexe de cligner des yeux est une réponse involontaire liée à l'état émotionnel et qui ne se révèle pas de la capacité des sujets d'évaluer leur propre état. Notre expérience a révélé que la musique peut bel et bien moduler les émotions, ce qui confirme l'approche des émotivistes. Donc apparemment, il y a deux courants de scientifiques et puis les émotivistes, c'est ceux qui croient que la musique a un effet direct sur les émotions. D'accord. Et puis, oui? Bon, je trouve intéressant, c'est probablement le cas, mais je trouve un peu surprenant quand même. Quel est le critère qui définit une musique agréable d'une musique non agréable? Bon, Parce c'est plusieurs. que Ouais. c'est là où c'est un petit peu délicat, parce que pour certains qui aiment bien du hard rock et des gros bruits et tout ça, ça leur donne des sensations Oui. peut-être pas à d'autres. Donc, musique Ça, moi, agréable. je trouve que c'est une très, très bonne question, mais je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas participé à l'étude, je n'ai pas parlé avec ces auteurs. Donc là, je ne sais pas quels critères ont, quel matériel et méthode ont utilisé. Donc ça, je peux pas répondre. Mais c'est vrai que c'est une bonne question. Je pense d'ailleurs que c'est un peu, enfin, d'après ce que j'ai vu aussi d'autres études, c'est un peu un problème d'établir un protocole, justement. Parce que quelle est la musique agréable? Pour certains, ça peut être Mozart. Pour d'autres, voilà, s'ils entendent Mozart, ils s'en vont. Donc, comme tu Pour disais tout à certains, l'heure, pour d'autres, Mozart, ça sur peut être. l'hard rock, ça peut être génial. Pour d'autres, ils peuvent pas le supporter. Donc, peut-être que là, dans ce que j'ai lu, ils disent les unes reconnues pour être agréables et les autres désagréables. Donc peut-être que c'était agréable ou désagréable pour les sujets en question. Mais c'est juste une hypothèse parce que je connais pas plus l'étude en question. Là, je fais Bon, dans que tous les cas, citer. ils ont constaté qu'il y avait un clignotement des yeux qui correspondait à un état émotionnel, finalement. Voilà, tout à fait. Et puis que cet état émotionnel donc était apaisé avec des musiques agréables. Donc, et puis disons que ces chercheurs avaient déjà fait des études sur ça. Qui montrait par exemple que la musique agréable permet de réduire la douleur grâce à une émotion positive qu'elle engendre. Et puis, donc, selon ces chercheurs, dont vous trouverez les noms, hein, il y a tous les links, les résultats obtenus sont une nouvelle validation du recours à la musique en thérapie. Si la musique peut susciter des émotions qui réduisent l'activité des mécanismes de défense, elle peut donc être utilisée pour alléger des états émotionnels déplaisants comme l'anxiété, la dépression ou la douleur. Voilà. Et puis, donc ça. Je trouvais que c'était à ce propos très enfin, important de parler de la musicothérapie parce que d'après ce que j'ai vu, c'est quelque chose qui commence à devenir une science. Donc, c'est un peu parmi les médecines parallèles, mais qui est sérieuse. Il y a pas mal d'auteurs qui en parlent. Pardon, il faut que je boive un coup. Pas de souci. C'est intéressant, je me réjouis que tu nous parles de musicothérapie, ça c'est vraiment un sujet que je ne maîtrise pas. J'aurais classifié ça spontanément dans, ouais, dans tous ces trucs alternatifs Bon, un peu si à la tu prends mode. comme base la neuroscience et des processus cognitifs, tu peux quand même t'appuyer Ah ouais, bien sûr, sur des ouais. bases scientifiques. Ouais. Hein. Mais en tout cas, d'après ce que j'ai vu, donc le maintenant c'est clair que la musique peut stimuler des émotions positives. Et puis il paraît que la musicothérapie a des origines très anciennes. Bon, un peu, mais là je connais pas bien le sujet, donc je pourrais pas en parler plus. Mais je sais qu'il y a des tribus en Afrique, par exemple, qui utilisent la musique pour soigner des gens. Donc, même si ça peut paraître complètement étrange pour des gens de notre culture, mais pour certaines populations, ça l'est pas du tout. Et puis, en tout cas, c'est bien connu. Je disais tout à l'heure l'exemple de nos mamans qui nous chantaient des berceuses pour nous calmer lorsqu'on avait mal. Mais c'est bien connu aussi par la science que la musique peut adoucir la douleur ou la souffrance psychologique. Et puis maintenant, d'après ce que j'ai lu, la musicothérapie moderne est née entre la Première et la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. D'accord. Et elle était. Et d'après ce que j'ai compris, elle est encore utilisée essentiellement pour ça maintenant, mais vraiment pour traiter des troubles neurologiques. Cela peut aller de la maladie d'Alzheimer à la maladie de Parkinson, en passant par les troubles du langage, l'autisme ou aussi d'autres troubles, pardon, du comportement. Et. C'est vrai que, petite parenthèse, par exemple, ceux qui bégayent, on dit que quand ils chantent, ils bégayent plus, par exemple. Oui, ça. Bon, ça, j'ai entendu aussi. Enfin, je connais l'exemple de gens qui jouent du théâtre et puis qui arrêtent de bégayer une fois qu'ils sont sur scène et qui Ouais. reprennent une fois que. Donc, bon, ça, peut-être, c'est pas tout à fait le même mécanisme. Ou alors les personnes atteintes de Parkinson qui, voilà, quand elles se mettent un peu à danser, à chanter, peut-être elles perdent un Oui, peu leur voilà. tremblement. Ouais. Voilà, ça c'est ça a l'air d'être plus lié à ce que j'ai compris de la musicothérapie où vraiment c'est la musique qui produit des effets physiologiques. Et puis à ce propos, je vais vous lire la petite note d'Oliver Sacks qui est lui aussi un neurologue qui est très connu. Là, il a écrit un livre qui s'appelle Musicophilie. Initialement, je voulais vous reporter des exemples aussi qu'il a écrit dans son livre, mais après, ça allait être trop long. Lui, il a écrit dans ce livre pas mal d'exemples de troubles, par contre, liés à la musique. Donc, de gens qui ont des obsessions, des musiques qui les obsèdent ou des choses comme ça. Enfin, c'est assez curieux, assez intéressant. Ça aussi, peut-être, ça pourrait faire un autre sujet. Mais en tout cas, par rapport à la musicothérapie, Oliver Sacks, il dit, une musique convenablement sélectionnée est capable d'apporter beaucoup plus aux patients en termes d'orientation et d'ancrage que la plupart des autres thérapies. Donc, moi, j'ai, enfin, disons que je trouve que la musicothérapie, c'est quelque chose qui peut être considéré pris au sérieux aussi. Après, c'est comme toute chose, ça dépend qui le fait et comment elle est Ouais, bien faite, sûr. mais c'est pas, voilà, je trouve que c'est quelque chose à approfondir et qui est très intéressant. Et je voulais encore, juste par rapport à cette histoire que la musique peut nous donner du plaisir, je voulais, et donc qu'elle est bénéfique, parce que peut-être après tout, si elle est bénéfique, c'est parce que voilà, elle nous donne du plaisir, donc ça stimule quelque chose de bon en nous. Là, j'aimerais vous lire encore une phrase, cette fois à nouveau de Daniel Lévitin, dans une interview, où il dit: Le cerveau comprend une sorte de siège de plaisir qui s'active lorsqu'on gagne beaucoup d'argent, par exemple, qu'on prend de la cocaïne ou qu'on attend un orgasme. On le savait depuis des années, Mais j'ai découvert avec mon collègue Vino Menon de la faculté de médecine que cette partie du cerveau réagit aussi à la musique agréable. Ok. Donc, en fait, Voilà. la Les musique. gens, je finis juste Ouais, la pardon. phrase. Les gens disent volontiers qu'ils aiment la musique, mais on est surpris quand même quand on les voit, quand on le voit littéralement jouer sur une image cérébrale. Voilà. Donc, quelque part, la musique, vraiment, d'après toutes ces études, interfère dans nos émotions et provoque dans notre cerveau, lui, il appelle ça une sorte de chorégraphie de neurotransmetteurs, où en fait, la satisfaction et le plaisir qui sont liés à la musique découlent d'une augmentation de la dopamine dans certains noyaux du cerveau qui s'appellent les noyaux accumbens. Et à ça, comme je vous disais tout à l'heure, le cerveau, enfin la musique prend différentes parties du cerveau, donc elle touche aussi le cervelet, elle touche aussi le lobe frontal, le système limbique, et fait plein de connexions. Et à la fin, apparemment, on a cette sensation de plaisir qui se met en place. Voilà. Donc, je t'ai coupé, je ne sais pas ce que tu voulais ajouter. Et non, non, je croyais que tu avais fini la citation, puis justement, je voulais poser la question des circuits dopaminergiques et les circuits de la Ah ben récompense. voilà. Donc Ouais. c'est bel et bien ça qui se passe, effectivement. Ouais. Donc, voilà. Puis je voulais juste terminer par des petites curiosités. Je crois que vous, peut-être, vous êtes déjà au courant, mais il y a des gens qui se sont amusés à traduire en musique, par exemple, les séquences de nos gènes. Ouais. Et puis j'ai vu aussi, il y a des gens qui ont essayé de traduire en musique les numéros derrière la virgule du pi grec. Ouais. Et puis, enfin, il y a aussi les liens pour aller sur les sites. Je trouve enfin, c'est peut-être, personnellement, je trouve qu'on est peut-être encore loin de déchiffrer la musique qui est derrière les choses. Mais je trouve c'est assez intéressant d'essayer de trouver une musique derrière les choses, justement. Ouais. Comme si, quelque part, on se rendait compte que voilà, la musique est essentielle dans notre nature et peut-être aussi dans la nature tout court et pas seulement dans la nature humaine. Et puis là, à ce propos, j'ai pensé, il paraît que c'est assez étonnant, un orgue où c'est la mère qui joue, c'est à Zara en Croatie. Puis les gens j'ai parlé avec des gens qui l'ont vu, moi j'ai pas eu la chance de le voir, mais de l'écouter plutôt. Et puis, pareil, c'est assez étonnant parce qu'il y a des sons comme ça qui sont produits, des musiques parfois, qui sont comme si s'il y avait quelque chose d'autre qui allait nous parler et nous communiquer. Je Mais attends, je ne suis suis pas pas sûr d'avoir sûr d'avoir compris. bien compris. Ah, tu n'avais plus. Donc, Donc c'est un orgue qui est alimenté par quoi? Par la par la marée, c'est ça? mer. Ou par le Par vent la de la mer. mer? Non, non, par l'eau. Par l'eau de la D'accord. mer. Ouais. Et puis. Donc il joue au rythme des vagues et du mouvement de la mer, c'est Voilà, ça? voilà. Ouais. D'accord. Et puis, selon comme l'eau, elle rentre dans les différentes parties de ce grand instrument, ben, ça crée des rythmes et des sons différents. Ouais. Puis, du coup, la naissance de morceaux, entre guillemets, de musique. Alors Puis. ça, c'est intéressant parce que d'un côté, le mouvement de la mer est soutenu finalement par des ondes et des mathématiques qui sont finalement retransmises à l'orgue qui lui-même joue une musique à partir de ça. Donc sur une base quand même peut-être de chaos scientifique, on va dire de la théorie du chaos scientifique, on arrive à peut-être à avoir certaines émotions émerger à partir de la musique émise par l'orgue, non? Oui, peut-être, Je sais pas si tu m'as ouais. suivi. Oui, non, je trouve c'est une réflexion intéressante, oui. Mais, ouais. Ouais, mais d'ailleurs, Mathieu, je sais pas si tu as eu l'occasion d'entendre ces choses dont l'IA vient de parler. La conversion en musique des décimales de pi ou de l'ADN humain, c'est vraiment surprenant. Oui, il y a des séquences. Parfois, c'est surprenant, comme tu dis. Ça Ouais. fait des. Bon, après, c'est Pourquoi? quelque chose de synthétique. Donc, Ouais. il y a pas un rythme, il n'y a pas de. Enfin, ça Ouais, reste un y aurait peu. différentes manières de l'interpréter. Voilà, il Ouais. manque l'interprétation. C'est Donc, ça, ouais. c'est une partie fondamentale, je dirais, de la musique. Mais. Ouais. Ouais. Quand j'avais fait un dossier sur la suite de Fibonacci et le nombre d'or, on avait parlé aussi d'un groupe. Oui, c'est Un juste, groupe de ouais. rock Ouais, c'est vrai. qui avait composé sa musique en suivant la suite de Fibonacci. C'était assez marrant, j'avais mis une vidéo. Mais bon, là, c'est vrai que c'est des élaborations purement mathématiques de la musique. Après, il faut intégrer le côté émotionnel dans tout ça. Oui. Et ça, c'était justement la chose qui avait été demandée par par un auditeur, je Par un de nos crois, auditeurs, ouais. d'aborder le côté qu'est-ce que c'est le groove et pourquoi le groove ne peut pas être interprété par un ordinateur. Donc je trouve que c'est tout à fait le lien avec ça. Mais alors j'avoue que bon, là je crois que ça ferait carrément un autre sujet. Et puis donc pour ce soir, j'en parlerai pas. Mais je ne sais pas si vous avez des choses à dire sur ça ou Moi, je sinon. suis pas si sûr qu'un ordinateur n'arrive pas à reproduire le groove. Ouais, Bon. moi je suis à peu près convaincu que non. D'après ce que j'ai vu du groove, c'est-à-dire c'est un peu ce. Bon, j'ai trouvé les définitions sur Wikipédia, hein, parce que même si je suis une jeune musicienne, mais je ne connaissais pas encore ce terme, mais maintenant je vais l'intégrer dans mon vocabulaire, parce que je trouve qu'il est assez intéressant. Mais donc, d'après Wikipédia, il dit le groove chez les musiciens donne un état indéfinissable de la musique qui peut signifier un moment un peu magique, de grâce, où celle-ci décolle rythmiquement. On peut le rapprocher du swing, un jazz, du duende, un flamenco, etc. Chaque style de musique ayant son vocabulaire pour désigner cet état que personne n'arrive à définir clairement. Mais que de nombreux artistes arrivent à ressentir. On dit souvent que tel ou tel musicien groove, c'est-à-dire que son jeu entraîne les autres musiciens, et donc la musique produite ensemble évolue vers cet état évoqué. Dans le même ordre d'idée, on peut dire qu'un morceau ou une section rythmique groove ou ne groove pas. Enfin, un musicien peut arriver avec une partie qu'il vient d'imaginer en déclarant « J'ai trouvé un groove ». Enfin, je trouvais assez intéressant de Bon, voir cette définition. Et en voyant ça, je me dis, je ne sais pas comment un ordinateur pourrait le reproduire parce que c'est vraiment d'après ce que je comprends de ce terme, c'est un peu l'essence d'une musique réussie, d'un geste, d'un acte de musique réussie. Donc, c'est quelque chose qui arrive un peu sur la chimie du moment, je dirais. bon, Donc, faut voir jusqu'à quel point déjà le groove est une expérience personnelle ou collective, ou s'il peut y avoir un groove universel, on va dire qu'un morceau de musique qui a du groove pour tout le monde, ou pas forcément sur tout le monde, mais si on arrive à trouver des morceaux de musique qui contiennent un groove pour un nombre suffisamment de personnes, je pense qu'on pourrait relativement facilement émettre des modèles ou des patterns statistiques sur tous ces morceaux qui ont soi-disant un groove et en faire ressortir voilà des modèles, des figures, des algorithmes qu'on pourrait reproduire dans un ordinateur finalement. C'est marrant, mais alors moi je suis à peu près convaincu que non, mais précisément pour les mêmes raisons. Parce Ouais. que pour moi, le groove, c'est bon, d'abord, c'est quelque chose d'effectivement assez indéfinissable. Mais je pense que c'est en rapport essentiellement avec le rythme. Il y a un côté très mathématique dans un tempo. Tu as les temps qui arrivent à intervalles réguliers. Et puis, on a des attentes en tant qu'auditeur. On s'attend à ce que la phrase débute sur le temps ou qu'elle se termine sur le temps. Et puis, ça, c'est justement ce que dit Levitin dans ce livre. C'est que les émotions qui sont provoquées par la musique seraient provoquées par une espèce d'effet de surprise. Et c'est à chaque fois que les attentes qu'on Oui, émet mais en tu tant peux très bien qu'auditeur. reproduire un effet de surprise Bien artificiellement avec un sûr, bien ordinateur. sûr, mais tu vas réussir à le reproduire une fois ou deux fois. Mais à partir du moment où tu mets en place un pattern, moi je suis à peu près convaincu que de l'autre côté, le cerveau humain est capable de le décoder, ce pattern. On est des machines à chercher des patterns, on va le trouver. Puis Oui, dès qu'on a bah au trouvé le même titre pattern, c'est que. fini, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de surprise, tu vois. Non, c'est pas aussi simple. simple. Là, je suis pas tout à fait d'accord alors. Parce que tu as plusieurs patterns, ces patterns évoluent dans le temps et ce n'est pas des patterns fixes non plus. Ouais. Et si toi tu dis que l'homme peut facilement déchiffrer un pattern venant d'un ordinateur, pourquoi il ne peut pas le déchiffrer venant de la musique composée par une personne? Parce qu'à mon avis, le groove, c'est un phénomène de l'interprétation, pas de la composition. C'est pas quelque chose qui est écrit, le groove. C'est un truc qui vient au moment de l'interprétation. Tu trouves ça dans la musique classique. Tu as peut-être 12 ou 15 versions du même morceau. Tu les écoutes, c'est pourtant la même partition. Et puis à chaque fois, tu ressens une émotion différente. Tout à fait, mais non, ça je suis d'accord. Tu vois, et puis Moi je je suis pas pense. convaincu qu'il y ait un pattern là derrière, justement. Bah, c'est ça. Oui, bon, après, faut voir ce qu'on définit comme pattern, mais bon, c'est un gros sujet. Ouais, Mais mais il faudra qu'on le reprenne, mais il m'intéresse comme sujet. bon, il y a quand même beaucoup de musique synthétique faite avec des samplers et des ordinateurs qui arrivent quand même à transmettre un certain groove aussi. Ouais, Donc, je et sais c'est la pas. musique entièrement composée par ordinateur. Ouais. Alors, jusqu'à quel point l'intervention de la personne qui est derrière l'ordinateur qui a dit à ce moment-là je veux une note ou à ce moment-là j'en veux pas influe sur le groove ou c'est plutôt toute la composition après synthétique et de programmation de l'ordinateur qui intervient. Bon, il y a peut-être un peu des deux, mais bon, vaste Ouais, question. exactement, vaste question qu'on va pas régler ce soir. Bon, les ordinateurs sont très forts pour faire le contraire, en tout cas. Les logiciels d'assistance à la composition, ils t'aident si tu le leur demandes, évidemment, c'est des réglages que tu peux faire, des options que tu peux régler, à remettre les notes qui sont tombées à côté du temps, à les remettre pile dans le temps, avec le niveau de Mais granularité souhaité. ils ont aussi des options pour justement tout décaler un petit peu, pour donner éventuellement une sorte de sensation de groove, une sensation moins mathématique, moins rigide. Pas ceux que j'ai vus, mais Ah, disons peut-être que j'ai ça un je peu peux de te retard. l'assurer aussi. C'est vrai? Ça je peux te Ouais. l'assurer, ouais. D'accord. Bon, bah donc, vaste sujet qui n'est pas clos, on reviendra dessus, le groove en musique. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Lia. C'était drôlement instructif, extrêmement intéressant. On a appris plein de choses. Ah ben, je suis contente que ça vous a plu. Moi aussi, j'ai eu du plaisir à le faire. C'est vrai que ouais, il y a toujours des choses à découvrir, donc. Puis c'est un domaine tellement beau, vaste. Donc, je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de le faire. Mais je pense d'ailleurs, quand justement tu as parlé que finalement la musique pouvait être saine pour certaines personnes qui ont des maladies, pouvait les aider à se guérir, transmettre des émotions positives. Il y a quand même une vieille expression qu'on utilise depuis la nuit des temps, je dirais, c'est que la musique adoucit les mœurs. Et Ah ben oui. c'est finalement quelque chose qu'on sait depuis très longtemps, et peut-être maintenant avec les neurosciences, on arrive mieux, un petit peu mieux à déchiffrer comment ça se passe au niveau du cerveau, mais c'est quelque chose, je pense, qu'on sait depuis très longtemps que la musique est positive. Oui, bah oui. Ouais, non, c'est vrai. Et puis bon, pour une fois, ça se confirme parce qu'il y a des tas de choses qu'on sait depuis très longtemps que finalement la science invalide les unes après les autres, mais là, pas. La Ouais. musique tient bon. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ben, merci bien, Lia. On va peut-être continuer l'émission sur les deux, trois petites notes habituelles, non? Ouais, bon, l'heure tourne, on va peut-être aller assez vite. Assez vite. Ouais, tu voulais nous parler d'un commentaire de John Kallak? Ouais, sur le dossier de la semaine passée que j'avais fait sur les sciences économiques. Où il nous dit, si je peux me permettre, Mathieu, tu n'as pas mentionné, ou du moins pas formulé très précisément, un point important concernant l'échec du keynésianisme. Et ce point, c'est la régulation des marchés. Il nous dit, la théorie de Keynes implique un marché régulé. Or, les deux grandes crises que j'ai mentionnées, quand je parlais de l'inflation des coûts, donc la crise des années 70 avec l'augmentation des coûts du pétrole et la crise actuelle avec l'augmentation des coûts des matières premières. Donc, il nous dit que quand je parle d'inflation des coûts, c'est d'abord un problème de régulation des marchés. Dans les années 70, l'augmentation des cours du pétrole démontre les dégâts causés par une offre très concentrée. En gros, c'était l'OPEP, donc l'Organisation des pays pétroliers, producteurs de pétrole. Et les ressources étaient là et devaient satisfaire la demande. Mais les producteurs ont décidé unilatéralement de monter les prix pour des raisons pas tout à fait économiques. Et actuellement, le marché est complètement déréglé par deux raisons. D'une part, l'importance d'une demande unique de la part de la Chine qui, à terme, pourrait potentiellement absorber toute la production mondiale. et d'autre part, et surtout le phénomène de la spéculation sur les matières premières. Donc aujourd'hui, une tonne de blé peut changer 100 fois de main entre le producteur et le consommateur final via les différentes bourses des matières premières et au passage voir son prix exploser, ce qui ne sert ni les intérêts des producteurs ni des consommateurs. Et surtout, ça rend inefficace la plupart des politiques menées par les États pour relancer la consommation. C'est un marché complètement biaisé qui va à l'encontre des théories économiques classiques. Même les néolibéraux n'avaient pas intégré cette composante à son avis, donc à l'avis de John Kallak. Ouais. Donc ouais, je trouve c'est un bon complément, parce que c'est vrai que c'est ce dont on a parlé, les dérives autant du keynésianisme que du néolibéralisme se sont produites par des biaisages des théories initiales. Des théories initiales. Et c'est exactement ce qu'il nous dit là, John Kallak. C'est un biais, c'est un biais du marché économique. Ouais, une composante qui n'avait pas été intégrée dès le départ, hein, peut-être un peu comme un. Ouais, moi j'ai envie de dire un cancer. Enfin, y a des phénomènes comme ça qui ont juste rien de bon, quoi. Mais enfin bon, on va pas épiloguer sur le sujet. En tout cas, merci à John Kallak pour le complément. On a Brainfish qui avait réagi également. Bon, il a réagi un peu partout, Brainfish, je crois. C'est encore un de ces auditeurs qui nous a découvert sur le tard et puis qui réécoute enfin, qui remonte dans les premiers épisodes. Ça devient de plus en plus difficile à faire maintenant, tellement il y en a. Mais enfin, il est remonté assez loin. Il nous avait fait un petit commentaire, je crois que c'était par Twitter, sur ce dossier-là. Ou par mail, je me rappelle plus. Oui, on a aussi une petite discussion à propos de ce sujet sur la science économique. Vous pouvez aller regarder les commentaires du dossier. Voilà, bah c'est ce Tout est que là. j'allais dire, en fait, pour retrouver les commentaires de Brainfish, parce qu'il y en a pas mal sur pas mal de dossiers, mieux vaut aller sur le site, en fait, et puis regarder directement dans la section commentaires. Il nous en a fait sur la plasticité neuronale également. Et puis sur le daltonisme, alors là aussi un commentaire assez intéressant, on apprend plein de choses. On apprend notamment que près de 15% des femmes ont un cône supplémentaire et peuvent voir quatre couleurs différentes, ce que j'ignorais totalement. On apprend aussi dans le même commentaire, il est parti un peu sur toutes sortes de choses. Des tas de choses sur la graisse brune qu'on avait dû évoquer à l'oral, je pense. Ça fait partie de ces sujets hein, qu'on veut traiter depuis longtemps, et puis que, voilà, on remet toujours sur le dessus de la pile. Mais enfin, voilà, dans ce commentaire aussi, donc qui concernait l'épisode 4, hein, qui s'intitulait Des salamandres et des feux rouges, on a un commentaire super intéressant de Brainfish. Et puis, ben, on vous invite à aller voir son blog, si jamais, bon, c'est en anglais. C'est Brainfish, Brainfish, donc brain à l'anglaise, fish à l'allemande, .wordpress.com. On y apprend toujours des choses intéressantes. Ça vaut la peine de le suivre. Voilà, bah oui, bah merci à lui pour tous ses commentaires. Là, il nous a fait revenir en arrière, presque une année en arrière sur nos Ouais, podcasts. c'est fou, hein? Le temps passe vite. Et puis, bah, autrement. Moi, j'avais pas d'autres commentaires, je crois que t'en avais pas non plus. L'heure est venue du moment qu'on attend tous, ta fameuse quote. Oui, alors aujourd'hui j'en ai deux, et ça tombe bien parce que vu que l'IA a parlé que la musique finalement faisait intervenir toutes les parties de nos cerveaux, autant l'hémisphère gauche que l'hémisphère droite, bah, j'ai une côte pour l'hémisphère gauche et une côte pour l'hémisphère droite. Ok. Alors, pas que je me trompe, celle des émotions c'est l'hémisphère droite, c'est juste, et Ouais. l'hémisphère gauche celle de la logique plutôt, c'est ça? De ce que je sais, oui. Enfin, Ouais. à chaque fois que je lis un truc dessus, on dit que c'est pas aussi clair que ça, mais oui, dans les grandes lignes, c'est ça. Bon, on va dire que c'est comme ça. Alors, on va co commencer par l'hémisphère gauche qui s'occupe de nos Ouais, qui s'occupe comportements des plus trucs logiques, logiques et rationnels. plus raisonnables. Alors, c'est une quote de Gottfried Leibniz, un mathématicien allemand du XVIIe Ouais, siècle. un pur génie. Et il nous dit alors une chose très radicale, la musique est une pratique cachée de l'arithmétique, l'esprit n'ayant pas conscience qu'il compte. D'accord. Alors ça, c'est la position très, très mathématique d'interprétation de la musique. Et pour ceux qui trouvent cette position trop théorique, trop abstraite, trop formaliste, et que la musique, finalement, conserve quand même sa capacité à nous émerveiller, à nous faire rêver, comme l'a dit l'IA, on Ouais. peut revenir à ce que nous a dit Platon, qui nous dit que la musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. Ah, c'est joli ça, c'est quand même vachement plus poétique que la Ouais, Iliade. que la première. Hein. Ouais, j'aime bien le côté hémisphère droit de Platon, c'est pas mal. Alors, voilà, comme ça, tout le monde, tout le monde en a pour son compte, pour les Ouais. émotionnels et pour les plus pragmatiques. Ouais, très joli, très joli. Alors moi je suis décidément un émotionnel, c'est sûr. Toi, elle te parle, la côte de Leibniz? Moi, Ouais. écoute. J'écoutais l'autre jour un podcast justement sur la science en fait sur les mathématiques et la musique. Et c'était très intéressant. On a parlé, il y avait des compositeurs, des grands compositeurs de musique classique qui étaient invités et qui disaient que certains, donc pas tous, hein, mais certains construisent leur musique sur une base vraiment mathématique. Donc oui, c'est indéniable que derrière les mathématiques, derrière la musique, il y a des mathématiques. Mais après, c'est vrai que c'est pas forcément les mathématiques qui vont transmettre de l'émotion. Donc, faut le petit plus de l'artiste et du musicien pour ça. Ouais, moi je pense aussi. Bon, je crois que les mathématiques pures procurent des émotions à un certain nombre de personnes, mais peut-être pas autant que la musique quand même. Mais je pense que c'est pour ça, quand tu as dit l'IA, que les deux hémisphères de notre cerveau étaient impliqués, je pense que aussi, probablement d'une manière inconsciente, quand on écoute de la musique, on essaye aussi un peu de la diviser d'une façon peut-être un peu mathématique aussi, parce qu'il y a les couplets, il y a les paroles, le rythme. Donc ça nous donne quand même des proportions dans la musique. Et inconsciemment, notre cerveau, il doit un peu découper la musique, je pense, d'une manière un peu mathématique aussi, à côté des émotions, probablement. Ouais, mais c'est justement comme ça que Lévitine interprète les émotions générées par la musique, parce qu'on s'attendrait, tu vois, à ce que tout tombe chaque fois sur le temps, d'après le modèle mathématique qu'on infère de ce qu'on entend. Et puis à chaque fois qu'il y a une surprise, à chaque fois qu'il y a une septième, une carte augmentée, un truc comme ça, ou un petit décalage au niveau du temps, bah boum, une petite giclée de dopamine, parce qu'on s'y attendait pas. C'est cet effet de surprise qui ferait. Qui provoquerait les émotions. C'est pour ça qu'on ressent finalement assez peu d'émotions quand, je sais pas, on entend une sonnerie de téléphone au format midi, où là il n'y a aucune. En tout cas, en termes de rythme, c'est hyper précis, quoi. T'as jamais aucune variation par rapport aux attentes, même si tu peux en avoir au niveau harmonique. Alors que, ouais, c'est vrai que quand tu vois un artiste de scène qui interprète différemment un morceau que tu connais bien, tu t'attends à l'entendre comme sur le disque, et puis là, ça part dans autre chose, bah, ça provoque cette petite émotion. Ouais, je suis assez en phase, en tout cas, je me retrouve totalement dans ce qu'il dit à ce niveau-là. Mais d'ailleurs, si tu remarques, si tu t'achètes un CD d'un auteur qui te plaît, tu l'écoutes à la maison une fois, 10 fois, 20 fois, bon, ça te plaît. Mais après, tu vas au concert de ce même musicien. En concert, c'est complètement différent. La Ouais, musique c'est. est transmise à une âme, à une émotion complètement Ouais. différente que quand tu l'écoutes sur ton canapé depuis la maison aussi. Absolument, Donc, c'est. et je pense qu'en concert, en live, il y a des petits dérègles, il y a plus de dérèglements, de petites libertés qu'il peut y avoir sur un CD de la part du musicien, et c'est ça qui donne la vie à la musique Ouais, finalement. mais c'est vrai, et puis il y a tous les problèmes techniques, tous les couacs, tous les trucs inattendus, enfin vraiment qui font que. Les fausses notes, les choses comme ça. Exactement, ouais, qui passerait pas sur un album, puis qui font finalement le charme d'une performance en live, puis qui la rendent émotionnellement si intéressante. Bon, enfin, on va pas refaire le sujet. Alors ben, je crois qu'on arrive au bout là. T'es toujours avec nous, Lia? Suis avec vous, mais j'éteins un peu le micro parfois, mais je vous D'accord. entends, j'ai suivi tout le. Oui, je suis avec vous. Eh ben, merci bien pour ton dossier. On va en Ben, rester là pour aujourd'hui. On espère pouvoir te retrouver prochainement au sein de notre podcast. C'est toujours un plaisir. d'accord, merci beaucoup. Merci pour Ouais, tu reviens quand tu l'invitation. veux. Merci, je reviendrai alors. Formidable. Super. Et à la semaine prochaine, professeur Fun. Ouais, ça marche. Allez, Ouais, ciao. à Bonne bientôt. semaine. Ciao, ciao. Ciao.